Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. C'est encore mieux demain. Et c'est votre émission, ça ira mieux demain. Non, ça ira mieux demain, mais c'est encore mieux demain aussi. Ce que j'ai connu, c'était encore mieux l'après-midi. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je repensais à cette émission de Chavannes. Ça ira mieux demain aujourd'hui avec la suite et fin, parce qu'il y a un moment donné, on va arrêter de parler des séries de 2023, puisqu'on y est. Mais comme on est pris un peu de retard et qu'on développe beaucoup de choses depuis le début de l'année 2023, aussi bien dans Destination Série que dans Ça ira mieux demain, on va s'attaquer à la dernière grosse nouveauté de cette année 2023. On a parlé de The Last of Us la semaine dernière, et là, on va parler d'une grosse série qui s'annonce être aussi un gros carton. C'est toujours, je vous rappelle, l'info que je vous donnais la semaine dernière, 2023, c'est mon année, c'est l'année de la science-fiction. Donc voilà, c'est l'année de la science-fiction, je suis aux anges, donc il faut que je m'y colle. Et donc j'ai commencé déjà l'année, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc peut-être qu'au bilan de l'année, si on se retrouve en janvier 2024, je vais tomber complètement dedans et je serai fan de toutes les séries de science-fiction qui nous auront englouties pendant cette année 2023. On en reparlera en fin d'année. Et tu peux le faire, tu peux le faire, regarde. Tu as commencé Future Man et tu es sous le charme. Alors, enfin voilà, Laurent m'a... Quelquefois, Laurent me fait découvrir des choses. Voilà, donc moi, je suis aussi réceptif à ses propositions qu'il l'est aux miennes. Et il m'a intrigué avec cette petite série de science-fiction rigolote. Donc bon, c'est pas une des nouveautés de 2023, hein, mais c'est une petite. Ça date de 2018. Oui. Ça a quelques années. Oui. C'est Future Man. Alors voilà, si vous avez un tu peu. Tu pourrais nous faire un sujet. Je pourrais. Il y a des extraits qui sont fameux quand. Je pense que, voilà, effectivement, je pourrais vous faire ça. Je pourrais vous faire un parloir sur Future Man avec un petit carré blanc. C'est possible. Voilà, donc j'ai suscité l'attention de ceux qui ont Amazon Prime. C'est pas une nouveauté 2023, mais j'ai une petite pépite. Voilà, c'est quelque chose d'assez assez loufoque dans le domaine de la science-fiction. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas fan de science-fiction comme moi, voilà, c'est un bon moyen... de s'amuser. Merci Laurent de cette voilà, de ce petit cadeau, de ce double cadeau. Hein. Je ne parlerai pas du premier à l'antenne, mais voilà, de ce double cadeau que cette découverte de Future Man. Après, ce n'est pas au niveau de ce que tu nous fais découvrir toi. Mais après, chacun fait avec ce qu'il a. Hein. Non, mais c'est et puis il y a des moments où on a envie de se détendre et, voilà. Et de pas se prendre la tête. Et c'est vrai que ça surprend, mais ça surprend agréablement. Allez, on en reparlera, je vous ferai un parloir un jour dessus. J'attends d'avancer un peu plus dans l'intrigue. Pour l'instant, c'est un peu léger. Donc, si je peux me permettre, ça ne va pas s'arranger. D'accord, bien. J'ai appris, tu m'as appris qu'il y avait plusieurs saisons en plus. Donc, oui, non, mais les ils ne sont pas disponibles encore, si ? Ils sont disponibles ? Ah si, ils sont disponibles. Moi, je suis déjà à la saison 2. Là. Ah, parce que ce qu'il y a dessus après, c'est pas, on a l'impression que c'est défini. Non, c'est la saison 2, saison 3. Non, mais c'est... ça... Il y a de l'idée, hein, franchement. Et donc, elle continue d'être tournée ou elle est finie ? Alors écoute, je me suis tellement estomaqué par cette série, je me dis, c'est pas possible que ça existe, que je suis pas arrivé encore à me dire, est-ce que ça se tourne encore ? D'accord. Je découvre chaque épisode. On mènera l'enquête aussi dans le grand dossier. Je peux regarder si tu veux. Hein. Donc, la grosse nouveauté dont on va parler dans quelques instants, c'est le problème à trois corps. Avec un titre pareil... c'est pas les disparus de la forêt noire. Là, attention, il y a du level, mais avant ça, une première pause musicale. cette chanson-là, elle est pour France aussi. Alors, je voudrais juste te dire, oui, excuse-moi de te couper, ça s'est arrêté en 2020 après 3 saisons et 34 épisodes. Ah, donc y a pas, ça s'arrête à la 3ème saison, donc il y a l'intégrale sur Amazon Prime. Ouais. On se demande bien pourquoi ça a, été que, ça a duré que 3 ans. Hein. Ah, bah peut-être à cause du Covid, peut-être. Ah, peut-être, oui. C'est peut-être leur façon de recharger, ça n'a pas, voilà, pas fonctionné. Donc, pour France, voici la nouvelle chanson des Enfoirés. Et pourquoi je la dédicace à France? Parce qu'elle est signée Amir. C'est Amir qui a fait la chanson des Enfoirés cette année. Et moi, j'adore. Alors, je ne sais pas. Et ça s'entend. Ça s'entend. Je ne sais pas si Amir a écrit la chanson en pensant à tout ce qui se passe et les événements qui secouent la France depuis quelques mois. Et notamment, tout ce qui se passe autour de notre future retraite. Mais... Dans la chanson, il n'arrête pas de parler de révolution. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil aux événements ou pas, mais si j'avais Amir en face de moi, eh ben je lui demanderais s'il a fait un peu exprès ou si c'est une pure coïncidence que cette chanson-là, eh bien, elle sonne vraiment bien dans l'actualité avec ce mot révolution. Voilà. Écoutez attentivement et puis, si on a l'occasion d'avoir Amir un jour, eh bien, on lui posera la question. On veut faire le bien. On ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien, mais regardez la misère pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand chose au fond pour qu'un puissant fasse des millions. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? Pourvu qu'on s'aime et qu'on le sème. C'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions. Avec la force du nombre, on fait de rien. Puissant, puis des sillons. Pour tracer sur notre route une révolution. Pourvu qu'on s'aime et qu'on le sème. Et qu'on le sème, que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne, qu'on le retienne. Les gens qui rêvent font des révolutions. Faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Faire de ce chant notre résolution. Le dire sans trêve, sur toutes les lèvres. Pour élire notre révolution. Résolution. Nous allons faire ensemble notre révolution. Voilà, c'était la chanson d'Amir avec Révon, le nouveau tube des Enfoirés. Les Enfoirés qui ont terminé leur concert cette semaine, c'était à l'Algarnie à Lyon. Je ne sais pas si on a encore la date de diffusion sur TF1. Ça doit être fin février, début mars ou début mars habituellement. Je ne sais pas si on a encore la date. Je crois pas. Moi, je l'ai pas vu passer. Non, je ne crois pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore défini. C'est un petit peu dans ces eaux-là, vraisemblablement au début mars, sans doute. Il faut leur laisser le temps de faire le CD. Oui, faire le CD et puis de monter les images et tout pour la diffusion sur TF1, puisque c'est toujours sur TF1 qui a l'exclusivité des Enfoirés encore pour quelques années, je crois. Alors, revenons sur cette grosse nouveauté. Il y aura du côté d'Amazon Prime The Last of Us et là, du côté d'une autre plateforme. Eh bien, c'est du côté de Netflix dont il s'agit. On a le problème à trois corps. Alors, c'est sans doute la série qui va susciter le plus d'attentes cette année, puisqu'elle a été créée par David Benioff et D.B. Weiss. Alors, bon, comme ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais si on creuse un peu, eh bien, c'est les deux showrunners de Game of Thrones et qui se sont associés pour l'occasion à Alexandre Wu, à qui l'on doit la série, rappelez-vous, la série de science-fiction True Blood. Adaptée d'une saga d'un chinois, Liu Cixin, qui a aussi inspiré une autre série à succès, Tencent. Parmi les acteurs présents au casting de ce projet, on pourra citer Benedict Wong, que l'on a vu sur Seul sur Mars, ou aussi Doctor Strange, Aiza Gonzalez, ainsi que John Bradley et Liam Cunningham, les héros de Game of Thrones, qui vont retrouver donc un autre rôle dans cette série. Alors, cette série comme une œuvre majeure de science-fiction. Le problème à trois corps, c'est d'abord un livre. Il a été publié pour la première fois en Chine en 2008. Il aura fallu attendre six longues années avant que le roman n'arrive en Occident et qu'il devienne le premier roman asiatique à remporter un prix en France, le prix Hugo. Liu Cixin et Ken Liu, qui a traduit en anglais les deux romans de la trilogie Remembrance of Earth's Past, ont été consultants sur cette adaptation en live action. Donc voilà, c'est un premier projet écrit pour la plateforme par les showrunners depuis Game of Thrones. Donc c'est vraiment le truc qui est quand même excessivement bien attendu. Alors c'est un projet qui date, puisque Netflix avait signé en 2019 un contrat très lucratif, attention les yeux, on aimerait bien avoir les miettes, de 200 millions de dollars avec David Benioff et D.B. Weiss. Donc, le problème à trois corps est le premier projet que le duo écrit pour l'entreprise Netflix. Sachant que Game of Thrones n'a pas été écrit pour Netflix, et là, c'est vraiment une commande. C'est quand même excessivement cher pour un tel contrat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman, le problème à trois corps ? C'est un récit de la confrontation de l'humanité. Alors, j'ai besoin de toi, Laurent. La confrontation de l'humanité à une civilisation extraterrestre. Voilà cette histoire cette histoire se commence comme ça, un problème à trois corps. Et ça a eu un triomphe dans les librairies avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, toi qui connais un peu le monde de la science-fiction. Donc, c'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Voilà un petit peu le pitch que l'on pourrait avoir pour l'instant. Alors pour moi, tu me parles de premier contact. Moi, je retourne à Star Trek. Le premier contact entre les Terriens et les Vulcains. Venez, je vous aiderai à conquérir le monde. Notre civilisation est incapable de résoudre ses propres problèmes. Nous avons besoin de votre intervention. Alors, c'est pas allô ici Londres, comme a fait notre président. Mais là, voilà, c'est en 1969. Nous sommes en région de Mongolie, intérieure en Chine, et Ye Wangji, astrophysicienne pétrie de rancœur, vient de communiquer la position de la Terre à l'immensité de l'univers en criant ces mots. « Venez, je vous aiderai à conquérir le monde. Notre civilisation est incapable de résoudre ses propres problèmes. Nous avons besoin de votre intervention. » Donc elle demande, en fait, une intervention. traumatisé par l'exécution publique de son père pendant la Révolution culturelle, eh bien, elle jubile désormais. Au bout du fil interstellaire, Trisolaris, un astre habité par une civilisation au bord de l'effondrement gravitationnel. 40 ans plus tard, alors qu'une série de suicides ébranle la communauté scientifique terrienne à 4,3 années-lumière de là, les Trisolariens embarquent pour un voyage spatial de plus de 4 siècles. Leur objectif, envahir la Terre. Space opéra apocalyptique à grand succès, eh bien le problème à trois corps est donc une trilogie signée par le chef de file de la science-fiction chinoise. Ces romans ont été lus par Barack Obama, recommandés par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Elle a été démocratisée en quelques années et donc elle est arrivée en France en 2008, en Occident en 2008. Voilà, alors ça paraît quand même excessivement complexe, cet appel et ces Trisaloriens qui vont répondre à cet appel. Ça se passe donc en même temps pendant la Révolution culturelle en Chine. Voilà ce qu'on peut dire de cette grosse attente de l'année. On aura l'occasion d'en reparler. On n'a absolument aucune idée de la date éventuelle de cette sortie-là, mais c'est prévu pour l'année 2023, sans doute dans le deuxième semestre, parce que on n'en a pas plus d'infos pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment là de la science-fiction à l'état pur. Il ne s'agit pas d'invasion bactérienne et tout. On est bien dans l'extraterrestre pur et dur et dans la communication entre la Terre et les astres. Alors, si je peux me permettre, parler d'extraterrestres qui envahissent la planète, les humains ne savent pas se débrouiller et compagnie. Cette année, on va fêter les 40 ans de la version originale de V, Visiteurs. Exact, ça me faisait penser à cela aussi. Et là, je dirais qu'on en a eu pas mal de séries avec des invasions extraterrestres. La dernière en date, c'était le remake de V, qui n'a pas été un énorme succès, et pour les fans de la première heure, plutôt un ratage. Donc là, de ce côté-là... Quand tu mettais en avant The Last of Us en disant l'une des séries attendues de cette année, quand on voit le succès des nombreux jeux, des nombreux épisodes au niveau des jeux, je veux bien le croire. Mais là, de ce côté-là, je mettrais un bémol parce qu'on a déjà eu pas mal de séries sur ce thème-là. Faudrait vraiment que la barre soit mise à une certaine hauteur. Bon. Et quand tu vois l'argent que Netflix a mis sur la table... je voudrais bien connaître tous les tenants et les aboutissants de cette histoire pour que Netflix y croie autant. Bah, elle a quand même mis ça dans les mains de ceux qui ont fait Game of Thrones. Il y a quand même un peu de... une certaine sécurité. C'est pas tout à fait le même univers quand même, hein. Parce que là, entre Game of Thrones, on est plutôt dans l'époque ancienne. Là, on est dans le... Voilà. Mais on vous tiendra au courant de ce problème à trois corps. On est un peu les seuls à développer cette série-là. Très peu d'infos circulent pour l'instant. C'est quand même une des grosses séries attendues pour cette année par Netflix. À voir, on vous tiendra bien sûr au courant de tout cela. Deuxième pause musicale dans l'émission est là, Black M et encore Amir, toujours pour France. C'est sorti cette semaine, ça s'appelle « Grandir ». Des soirées qui n'en finissent pas, quand tu faisais ton cinéma, les blagues qui sont qu'à nous deux, enfin tu connais l'histoire. Je nous revois dans notre bulle, on se déteste ou on s'adule, on fait semblant d'être adulte, on se voit déjà sur la lune. Mais le temps nous ramène sur terre, c'est vrai qu'il passe. Dans le bain de la vie, c'est comme une vague qui nous dépasse. Si on ose bien, on met sur pause et on efface. Moi la question que je te pose, est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir, est-ce que ça vaut la peine de grandir? Je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Mais on s'arrête avant de grandir. Des questions sans réponse, des choses que je ne vois pas venir. Est-ce que ça vaut la peine? Aïe, aïe, aïe. jeunes et sans soucis. Ce que la vie a fait de nous, c'est ce qu'on a fait de nos vies. Qui nous l'aurait prédit, ce qu'on est devenu aujourd'hui. Je veux te faire une confidence, je repense à ce temps béni. Où on avait des choses à rêver, on avait tant de choses à se prouver. On a laissé l'enfant s'éloigner, mais qui sait pour mieux la retrouver. Il y a eu le charme des premières fois, la première fille, le cœur qui bat, les premières larmes et l'impression que de tout ça on guérira jamais. Il y a eu tous ces fous rires, on n'avait pas peur de tout dire. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Et on s'arrête avant de grandir. Des questions sans réponse, des choses que je ne vois pas venir. Viens, on s'arrête avant de grandir. Je veux comprendre, est-ce que ça vaut la peine? Moi je dis que vers l'enfance on s'élève. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves. On n'avait rien, on était bien. On avait envie d'aller loin. Je ferme les yeux, je vois le passé d'où l'on vient. On dit qu'on retombe en enfance. Moi je dis que vers l'enfance on s'élève. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves. On n'avait rien, on était bien. On avait envie d'aller loin. Je ferme les yeux, je vois le passé d'où l'on vient. Bienvenue au palais. Continuons rapidement avec quelques autres nouveautés de cette année 2023. Et là, on aurait, voilà, j'aurais voulu en parler un petit peu plus tôt en début d'année, parce que cette saison, cette série, elle arrive lundi sur Canal+. Elle aurait pu être aussi dans Le Plus Belle TV. Et c'est une série qui est très attendue, puisque c'est la première série télé de Xavier Dolan, qui est ce réalisateur canadien, prodige canadien. Ça, c'est sur Canal+, ce lundi. C'est La Nuit, alors avec un titre de série improbable. Hein. La nuit où Laurier Gautreau s'est réveillé. Ça, c'est du titre. Hein. Alors, ça se passe au début des années 90. Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier, justement, forment un trio très soudé. Les garçons viennent de remporter le championnat provincial de baseball et Mireille rêve de brûler les planches. Qui sait ce que l'avenir leur réserve? Pourtant, un incident va les séparer. Ils ne se retrouveront que 30 ans plus tard, après la mort de la mère. Tiré d'une pièce de théâtre de Michel-Marc Bouchard de 2019, cette première série télé de Xavier Dolan, eh bien, est très attendue. Elle touche le domaine de prédilection de Xavier Dolan, les conflits familiaux. Le jeune réalisateur y incarnera le personnage d'Eliott, le plus jeune frère, tandis que les acteurs reprennent leur rôle à l'écran, dont Julie Le Breton, Magali Lépine-Blondiot, Éric Bruno et Patrick Yvon, un thriller psychologique qui mêle humour, drame et suspense dans une mise en scène très réussie. Alors c'est sur Canal+, si vous avez l'occasion, lundi, c'est aussi une contre-programmation. Eh bien, je vous encourage à découvrir La Nuit où Laurier Gautreau s'est réveillé. 2023, c'est aussi... le retour du Mandalorian, mon petit Grogu revient bientôt, c'est début mars, j'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ailleurs, sur le Facebook de cette actu, j'ai mis l'affiche. Exactement, merci Laurent, je l'ai vu. Et Viking Valhalla, la saison 2, elle est arrivée depuis quelques jours sur Netflix également. Lupin, la partie 3, est aussi très attendue pendant cette année-là. Voilà, vraiment donc dans les grands retours. Il y aura encore une autre série Star Wars. Alors je sais qu'on les prend tous avec peut-être un peu de pincettes. Bah, quoique Andor, c'était bien. Voilà, Andor, quoi qu'on dise, on ne s'est pas endormi. Eh bien, la petite nouvelle, ce sera Ahsoka. C'est la nouvelle série Star Wars qu'on retrouvera cette année. Rosario Dawson incarnera l'incontournable personnage qu'on retrouve dans The Clone Wars. Dans ce spin-off, nous sommes au lendemain de la chute de l'Empire. L'ex-Jedi enquête alors sur une étrange menace qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la galaxie. Donc, il faudra surveiller l'arrivée de Ahsoka sur Disney+, bien sûr. Et puis, il y a You, saison 4. Chuck Goldberg est de retour et ça va saigner, comme on aime bien le dire avec lui. Le tueur préféré de Netflix va quitter les États-Unis pour l'Angleterre, où il espère bien commencer une toute nouvelle vie. Et la première est à découvrir dès le 9 février. Avec une salve de premier épisode. Et ensuite, la suite sortira le 2 mars. Alors, si j'ai bien compris, la saison 4, c'est un peu le chasseur devient chassé. C'est un peu ça. Il essaye de se faufiler, de s'en sortir. Et en fin de compte, il est poursuivi par quelqu'un. Une autre série intéressante, Alien. Rien à voir avec les films. Eh ben si. C'est, c'est quand même une adaptation du film. Ah bon? Oui. Voilà. La série Alien, elle est basée sur la franchise de Ridley Scott et on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, et voilà, tout le monde croise les doigts parce qu'on a un petit peu peur de ce que ça pourrait donner. Hein. Mais voilà, donc en tout cas, elle est attendue, cette série-là. Bah, surtout que tu peux prendre tous les films. Alors, il y en a des moins bien. Tu peux avoir des préférences, mais tous les films sont réussis. Exactement. Donc là, faire une série en s'appuyant sur la notoriété des films, c'est risqué. C'est Nao Howley qui sera showrunner de la série. On connaît bien, lui. On lui doit Fargo. Ah oui. Quand même. Bon, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et aussi, bien sûr, la suite de House of the Dragon. Je suis pas sûr qu'on ait la suite en 2023. Hein. Là, fin d'année, peut-être. Peut-être. Ouais, bon. Les Anneaux du Pouvoir, ça aussi, sur Amazon Prime. Pas sûr non plus. Hein, pas sûr non plus. Ces deux séries-là, pour 2023, je suis pas sûr. Au niveau effets spéciaux, ça demande du temps. Ça quand même demande du temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura la saison 3 de la chronique de Bridgerton, qui est aussi prévue pour cette année. Et on a même annoncé, rappelez-vous, un spin-off qui serait centré sur la jeunesse de la reine Charlotte. C'est la reine Charlotte que l'on voit, la reine Black. Hein. Donc, on aurait un peu de... Voilà, un spin-off centré là-dessus. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire. Il y avait d'autres choses, hein, mais on ne va pas non plus... Il y a aussi The Witcher, saison 3, aussi, qui est prévue pour cet été. Hein, soi-disant, avec encore la même tête. Mais c'est qu'après, il change de tête. Hein. Oui, c'est après. C'est oui. Après. Hein. Encore avec Henry Cavill, qui depuis, rappelez-vous, est parti... il devait partir pour Superman, mais qui, au final, on retrouvera... Warm 40 000. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces grandes séries 2023. En attendant, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec Laurent et moi, dans quelques instants, dans une demi-heure, une petite respiration. Je vous retrouve pour la révélation du nouveau Hot 40. Mais là, on écoute Shanna ou... On n'a plus trop le temps, hein, donc oui. Ce sera pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Ok, donc Shanna, si tu nous écoutes. Shania, tu reviens la semaine prochaine avec ton en fait, super titre. C'est Shania Twain. Mais vous l'entendez sur Fadjet, elle est programmée dans la station. Allez, bon à tout à l'heure et bon week-end. Bye bye. Bye bye.